I haven't spoken very much about the practice in terms of the Mahasatipatthana Sutta. So I will say a little bit in terms of that today. We speak every day. We recite the sutta every day, the introductory outline of the sutta, the Odesa, one who kaye kaya nupasi viharati atapi sampajano satima vinaya loke abeja domanasan. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la pratique proprement dite. Je voudrais vous expliquer le Mahasatipatthana Sutta, le sermon dans lequel la méthode de Vipassana est expliquée. Tous les jours, nous récitons tous ensemble le résumé du Mahasatipatthana Sutta. En pali, on dit Udesa. Dans ce résumé, le Bouddha explique comment il faudra pratiquer. Il faudra pratiquer les quatre établissements de l'attention. Quels sont ces quatre? Il y a le corps physique, il y a les ressentis, il y a l'esprit et il y a les dhammas. En pali, on parle de kaya nupassana, la contemplation du corps, vedana nupassana, la contemplation des sensations, citta nupassana, la contemplation de l'esprit, et dhamma nupassana, la contemplation des dhammas. Nous devrons nous entraîner à observer ces quatre catégories d'objets de façon répétée. Nous devrons observer ces choses avec atapi, l'effort ardent, sampajano, la claire compréhension et satima, l'attention. Nous devrons observer ces phénomènes tels qu'ils se manifestent. Lorsque le mouvement de soulèvement se produit, on l'observe tel qu'il se manifeste. Lorsque le mouvement d'abaissement se produit, on l'observe tel qu'il se manifeste. Lorsqu'on lève le pied au moment de la marche, on observe ce mouvement tel qu'il se manifeste. Tous les phénomènes physiques qui vont se manifester à l'intérieur de nous devront donc être observés. C'est kaya nupassana. Nous devons établir notre attention sur ces objets. Il faudra également observer tous les ressentis dans l'esprit. Les sensations peuvent être ressenties de trois façons: agréable, désagréable ou neutre. Nous pratiquons alors la contemplation des sensations vedana nupassana. Nous devrons également observer et noter toutes les pensées, c'est citta nupassana. Et enfin, nous devrons observer tous les contacts sensoriels qui s'établissent par les cinq portes physiques, c'est dhamma nupassana. Nous devrons donc faire tout cela de façon répétée. Il est mis dans les textes pali que celui qui pratique ces quatre établissements de l'attention devra observer tout ce qui se manifeste à chaque instant, tous les objets qui apparaissent à chaque instant, avec atapi, l'effort ardent, sampajano, la claire compréhension, et satima, l'attention. Ceci résume la façon dont il faut observer ces différents objets. Pour observer ainsi de façon répétée ces quatre bases, anupassana en pali, il faudra tout d'abord atapi, l'effort ardent. Lorsque le mouvement de soulèvement apparaît, nous dirigeons notre attention vers ce mouvement, nous appliquons notre esprit à l'objet, c'est viriya, l'effort. Atapi, c'est donc cet effort ardent que le méditant doit fournir pour observer les différents objets de façon pénétrante. L'observation ne doit pas être superficielle. Il faut donc que cette qualité d'effort, appelée en pali atapa, soit présente. La personne qui possède cette qualité de atapa est un atapi. Le mot atapa est un mot pali qui veut dire effort. Viriya est un autre mot pali qui veut dire effort également. Pourquoi le Bouddha a-t-il utilisé deux mots pour effort? Tout simplement parce que atapa, l'effort ardent, est un effort particulier qui veut dire, entre autres choses, chaleur. C'est donc une chaleur qui va évaporer les kilesas, les pollutions mentales. Le Bouddha explique qu'il faudra fournir quatre types d'efforts. Le premier consiste à éliminer les impuretés qui sont déjà présentes dans l'esprit, de façon à ce qu'elles n'apparaissent plus. Le deuxième type d'effort, c'est d'empêcher les nouvelles impuretés de pénétrer dans l'esprit. Le troisième type d'effort consiste à introduire dans l'esprit des énergies pures. Et le quatrième type d'effort consiste à développer cet esprit pur à chaque instant. Il ne sera possible de pratiquer ces quatre types d'efforts que si nous disposons de viriya, l'effort courageux. Cette viriya, c'est l'élément crucial pour purifier l'esprit. Cet effort que nous devrons donc fournir est de trois sortes. Le premier, c'est Arambha Dhatu, l'effort initial. Le deuxième, c'est Nekama Dhatu, l'effort persistant. Le troisième, c'est Parakama Dhatu, l'effort culminant. Si nous voulons atteindre le but, il faudra passer par ces trois types d'efforts. En général, les personnes qui ne méditent pas ne font rien pour éliminer les impuretés de leur esprit. Et en conséquence, elles en subissent la chaleur. Ces choses les brûlent en permanence, tout simplement parce que leur esprit est impur, qu'il est plein de désir, de colère et d'ignorance. Les gens ne sont pas conscients de la présence de ces choses dans leur esprit. Ils ne voient pas que leur esprit est pollué par ces choses négatives. Ils ne savent pas non plus comment tout cela fonctionne. S'ils comprennent comment tout cela fonctionne, qu'ils comprennent que ces états d'esprit négatifs les brûlent en permanence, ils vont vouloir trouver une méthode pour s'en débarrasser. Tant qu'ils n'auront pas compris que ces états d'esprit amènent des inconvénients, ils vont continuer à ne pas s'en préoccuper et donc ils perdront leur temps. Ils ne seront libres de ce feu que pendant le temps qu'ils dorment. Si on est inconscient de la présence de cet état d'esprit négatif en nous, obligatoirement et automatiquement, nous allons réagir lorsqu'il se manifeste et cette réaction va amener la souffrance. C'est le plus souvent cela qui se produit. L'esprit des êtres qui ne méditent pas est très faible. Le Bouddha nous dit que si on n'est pas conscient des impuretés qui sont dans notre esprit, nous nous sommes engagés sur le chemin de la souffrance. Et nous allons le fermer avec Sila, la moralité. Nous deviendrons plus purs par la pratique de Sila, et ceci est très important. Atapa veut dire que ce méditant ne pourra se montrer négligent à aucun moment. Il ne devra jamais y avoir de désir avide dans son esprit. Son esprit devra toujours être alerte. Au début, il faudra introduire Atapa en nous. Elle n'est pas présente à ce stade. Il faudra donc commencer par l'introduire dans notre esprit. Cet effort, cet Atapa-là, du début, s'appelle l'effort initial ou l'effort du décollage. Concrètement, il s'agit de faire le choix de se rendre dans un centre de méditation, d'abandonner toutes ses activités chez soi pour pouvoir participer à la retraite, de payer la participation, de faire le voyage, ensuite, une fois arrivé au centre, d'écouter les instructions et de commencer à pratiquer. Tout ceci, c'est l'effort initial. Même s'il y a quatre bases pour l'attention, Kaya le corps, Vedana la sensation, Chitta l'esprit et Dhamma les objets mentaux, on commence avec ce qui est le plus clair. Et ce qui est le plus clair, c'est Kaya le corps. Dans ce corps, comme je vous l'ai déjà expliqué, il y a essentiellement les quatre grands éléments. Parmi ces quatre éléments, lequel, pensez-vous, est le plus facile à observer? Il y a donc l'élémentaire avec ses qualités de dureté ou de douceur, il y a l'élément feu avec ses qualités de chaleur ou de froid, il y a l'élément eau avec ses qualités de cohésion, de solidité, de fluidité, il y a l'élément air avec ses qualités de tension, de vibration, de mouvement. Lequel de ces éléments vous semble le plus facile à observer? C'est l'élément air. L'élément air est presque toujours présent en nous. Dès que nous effectuons un mouvement, comme par exemple le soulèvement de l'abdomen, l'abaissement de l'abdomen, lorsqu'on se déplace, il y a les mouvements de la jambe, du pied, on place le pied, on le lève, tous les changements de posture, tout cela, c'est donc l'élément air. C'est pour cette raison qu'on demande toujours aux méditants d'observer attentivement lorsqu'ils passent de la posture assise à la posture debout. C'est pour lui permettre d'expérimenter l'élément air. En Birmanie, lorsque quelqu'un n'est plus capable de bouger, on dit que l'air est mort en lui. Si nous voulons observer de façon très attentive ces quatre bases, et si nous voulons le faire de façon répétée, à chaque instant, sans interruption, la seule chose qu'il nous faut, c'est l'effort ardent, viriya. Le corps, en fait, est un très bon champ d'observation. Il y a toutes sortes de choses qui se passent dans le corps. Ces quatre éléments sont toujours présents dans le corps. Nous avons toujours des sensations, nous avons toujours l'oreille pour entendre, l'œil pour voir, des sensations de toucher, etc. Mais ce qui est le plus clair, c'est Kaya, le corps. Nous devons donc essayer pour l'instant, de nous en tenir au corps et d'observer attentivement les éléments qui se manifestent dans le corps, à commencer par les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Nous devrons le faire avec Atapa, l'effort ardent. Atapa va nous permettre de pratiquer de façon très alerte. Il n'y aura aucun ralentissement dans notre pratique, il n'y aura aucune baisse d'intensité. Si nous disposons donc de cet effort courageux, Atapa, nous serons protégés contre la misère amenée par la paresse. Le Bouddha nous dit que celui qui est inattentif demeure dans la misère à quelque endroit qu'il se trouve. Que veut dire demeurer dans la misère? Cela veut dire demeurer dans les dhammas négatifs, les impuretés de transgression introduites en nous parce que nos actes et nos paroles ne sont pas purs. Ensuite, les impuretés obsessionnelles, celles qui se manifestent dans l'esprit, et il y a enfin les impuretés latentes. Si nous sommes paresseux, nous serons pris dans ce lacis d'impuretés, et c'est le cas des personnes en général. Si les gens ne savent pas les conséquences d'un esprit impur, s'ils ne cherchent pas à se purifier au niveau des actions physiques, des actions vocales et des actions mentales, ils ne se remettront pas en quête d'une méthode. Ils n'ont aucune compassion, ni pour eux, ni pour le monde. Ils ne cherchent pas à élever la qualité de leur vie, à se civiliser. Mais tout ceci n'est pas réaliste. Ils pensent aussi qu'ils n'ont aucune responsabilité là-dedans, qu'il y a un être supérieur qui en est responsable. Ils ne comprennent pas que tout ceci amène beaucoup de souffrance. Il faut cependant comprendre qu'il est nécessaire de trouver une méthode pour élever la qualité de la vie, pour se civiliser. Le Bouddha a lui-même souffert de tout cela, il s'est mis en quête d'une méthode et il a réussi finalement à purifier totalement son esprit. Ses actions physiques, vocales et mentales sont devenues tout à fait pures. Il a éliminé toutes les formes de kilesa, de la plus grossière au plus subtil, les kilesa latentes. Il s'est mis alors à enseigner la méthode aux autres. Il a enseigné Satipatthana. Il a annoncé au monde qu'il fallait que chacun se lance dans la pratique et voit par lui-même. Au début, il faudra donc introduire en soi cette qualité d'effort. Mais au début, ce n'est pas possible d'avoir beaucoup de résultats. Comment serait-ce possible lorsqu'on commence? Il y a deux type de méditation. La première, c'est Samatha, la deuxième, c'est Vipassana. Samatha, c'est la méditation qui consiste à observer un seul objet dans le but de développer le calme, la tranquillité et la concentration. La deuxième méditation, c'est Vipassana, c'est la méditation qui consiste à observer tout ce qui se manifeste à chaque instant dans le corps et dans l'esprit. Par Samatha, le méditant va expérimenter très facilement des sensations agréables dès qu'il aura éliminé de son esprit des empêchements. Il va expérimenter la joie, le bonheur, la tranquillité. Dans les textes, il est mis que le pratiquant Vipassana va très facilement faire apparaître les sensations désagréables. Dès qu'il aura réussi à calmer les empêchements, à les éliminer de son esprit va devenir pur et il va expérimenter très clairement Vedana, les ressentis. Après quelques temps de pratique, lorsque l'effort aura pris un certain rythme, les sensations désagréables vont devenir très manifestes. Les personnes qui manquent de courage, qui manquent de patience, qui ne font pas preuve de cet effort courageux, vont changer de posture. S'ils changent de posture, ils ne pourront pas progresser très rapidement. Pour rester assis pendant une heure sans bouger, il faudra de la détermination. Sachez que personne n'est jamais mort en méditation. Ce travail fait avec détermination est très recommandé. On peut bien sûr changer de posture si la sensation devient trop intense, mais si on change trop souvent, la concentration samadhi ne va pas bien se développer. À ce stade, il est donc nécessaire que le yogi passe au deuxième type d'effort. Il a déjà fourni le premier en arrivant ici au centre. Il en est maintenant au deuxième type d'effort, Nekamadhatu, l'effort persistant qui va lui permettre de passer ce stade. Il va devoir fournir plus d'énergie et observer plus attentivement. Il va ainsi réussir à introduire dans l'esprit des qualités positives. Il doit adopter l'attitude mentale suivante « Je persévérerai, dussé-je en mourir ». Que se passe-t-il lorsqu'on expérimente une sensation douloureuse? Il y a tout d'abord une sensation extrême de dureté, par exemple, de chaleur, de froid. Tout cela, ce sont des objets désagréables. Et ce contact va amener automatiquement l'apparition de Vedana, le ressenti. Le méditant va ressentir tout cela comme négatif et inconfortable. Mais toutes ces sensations sont en fait la véritable nature de la matière. Cette sensation, cette Vedana, va alors elle-même devenir la cause pour le désir. Tanha, en pali on dit Vedana Pechaya Tanha. La sensation engendre le désir. Alors lorsqu'on parle de désir, c'est le désir dans sa forme simplement positive, on désire quelque chose, mais le fait d'avoir une sensation désagréable implique aussi du désir, en ce sens qu'on espère en avoir une autre, d'un autre type. Ce désir peut se manifester lorsque le méditant expérimente une sensation désagréable, puisqu'alors il en souhaite une autre, d'un autre type. Ce désir va également se manifester lorsque le méditant expérimente une sensation agréable. Il en veut encore et encore. Quand la pratique se développe et qu'elle devient très calme, le méditant va expérimenter des sensations neutres. Mais ces sensations neutres font également naître le désir, tout simplement parce qu'elles ne sont pas ressenties comme inconfortables, mais plutôt comme agréables. Le désir va donc se manifester quel que soit le type de sensation qu'on expérimente, qu'elle soit agréable, désagréable, ou neutre au stade avancé. Désirer, c'est prendre plaisir dans Vedana. Et chez qui ce désir va-t-il se manifester? Ce désir va se manifester chez ceux qui n'observent pas les trois types de sensations. Il faut donc observer ces trois types de sensations de façon répétée et à tout moment. Lorsque Vedana se présente et que l'attention n'est pas là, les kilesas, les impuretés mentales vont forcément pénétrer dans l'esprit. Le méditant, qui donc n'a pas noté, voudra alors abandonner. Il ne sera pas capable de se montrer patient et la paresse va s'infiltrer. Il sera de plus en plus pris par le désir, l'aversion et l'ignorance. Ces objets négatifs qu'on observe pendant la méditation sont la noble vérité de la souffrance. Si au moment où on expérimente des sensations négatives, on souhaite, on veut les transformer, les remplacer par des sensations positives, forcément dukkha va apparaître. Quelle est la cause de dukkha? La cause de dukkha, c'est précisément ce désir, tanha. Et tout ceci apparaît parce qu'il n'y a pas de détermination de la part du méditant à noter les objets, il n'observe pas, le désir apparaît, le désir pour le corps. Par contre, si ce méditant a de la détermination, qu'il observe attentivement, avec courage, le désir n'apparaîtra pas. C'est au contraire viriya qui va se renforcer, sati l'attention, samadhi la concentration. Et tout ceci va petit à petit faire naître la compréhension. L'esprit d'un tel méditant reste fixé sur l'objet, devient de plus en plus concentré. Si ces trois facteurs, viriya, sati et samadhi, sont présents au moment où le méditant observe, et si c'est à chaque seconde qu'il est capable d'introduire dans son esprit ces trois facteurs, en une minute, un tel méditant aurait expérimenté 60 moments de pureté. Il faut donc faire l'effort de renforcer ces trois facteurs. Pourquoi, selon vous, faut-il observer tous ces phénomènes, qu'ils soient agréables ou désagréables? Le Bouddha nous explique que tout ce qui se manifeste en nous à chaque instant, que ce soit agréable ou désagréable, tout cela fait partie de dukkha saccha, la noble vérité de la souffrance. Nous devons donc essayer de fournir un effort ardent, d'être très attentifs à toutes ces choses qui vont se manifester constamment. Nous devons essayer de maintenir notre esprit fixé sur ces différents objets, sans quoi on peut dire qu'on est ignorant, de la noble vérité de dukkha, de la souffrance. Lorsqu'on pratique, on essaye de comprendre cette première noble vérité de la souffrance. Pour y arriver, il faut obligatoirement observer tout ce qui se manifeste, puisque tout ce qui se manifeste, c'est la noble vérité de la souffrance. Donc, la première chose à faire pour y arriver, c'est de faire l'effort d'être toujours attentif. Notre sati, notre attention va se renforcer, et samadhi, la concentration, va apparaître. Après un certain temps, le méditant sera capable d'expérimenter des sensations de raideur, de tension, des douleurs. Il commence ainsi à comprendre la noble vérité de dukkha, la souffrance. Ne pas noter, c'est ne pas comprendre. Noter, c'est comprendre. Si on ne note pas, qu'on ne comprend pas, les impuretés, forcément, vont s'introduire dans l'esprit. Mais si on note et qu'on comprend, l'esprit va devenir très pur. Nous devons donc faire l'effort d'observer tout ce qui se manifeste à chaque instant, de façon à concentrer notre esprit. Au début, la sagesse ne se manifeste pas encore. Il y a donc d'abord l'effort, de ne pas se montrer paresseux et laisser les kilesas pénétrer dans notre esprit. Si nous fournissons cet effort, les kilesas n'entreront pas dans l'esprit, l'attention va se développer et cette attention va nous protéger contre l'intrusion des kilesas. C'est une très bonne chose de disposer d'une forte sati. lorsque cette forte sati va nous protéger contre l'intrusion des nivaranas, les empêchements, le mécontentement, la colère. Sati va permettre à l'esprit de devenir concentré et cet esprit n'expérimentera plus d'agitation, plus de remords, plus de somnolence. C'est donc la première chose à faire, surmonter les empêchements. Une fois qu'ils auront été surmontés, l'esprit sera devenu très clair et il verra les objets sans hésitation. Lorsqu'il y aura de la raideur en lui, il en prendra conscience. Il saura qu'il y a de la raideur en lui. Lorsqu'il y aura une sensation désagréable, il saura qu'il y a une sensation désagréable, etc. Ce yogi est sûr de lui. Il note à chaque instant et en conséquence son esprit est pur. Son esprit est pur de moment en moment. S'il fait 10 annotations avec un esprit pur, cet esprit pur va se remanifester à 10 reprises. S'il en fait 60, l'esprit pur va se remanifester à 60 reprises. S'il note ainsi pendant 5 minutes, ce sont 300 moments de pureté d'esprit qui vont apparaître. C'est beaucoup. C'est la signification de Bhavana, le développement mental. Ce développement mental est quelque chose qui amène beaucoup de satisfaction. Tous les désirs ordinaires vont disparaître. Le Bouddha nous dit que celui qui développe cette énergie va demeurer paisiblement. Viriya, l'effort, sati, l'attention et samadhi, la concentration sont présents en lui et cette personne expérimente le bonheur. Elle est heureuse en étant assise, elle est heureuse en marchant, elle est heureuse en étant allongée et elle est heureuse en se tenant debout. De quel type de bonheur s'agit-il là? Il s'agit du bonheur de se sentir en sécurité par rapport au kilesa, les impuretés mentales. Ceci, c'est synonyme de paix. Nous en resterons là pour aujourd'hui. J'espère que vous pourrez tous, et je vous encourage tous à persévérer, continuer à observer avec cet effort ardent, dans le but de surmonter toutes les difficultés. Observez tout ce qui se manifeste, toutes les sensations qui se manifestent à chaque instant, parce que si vous ne les observez pas, vous êtes certain de souffrir. Essayez donc de fournir cet effort persistant, le deuxième type d'effort. Demain, je parlerai d'un autre sujet. Je vous parlerai de qui réalise Nibbana. So, although there is more that I had to say, I'm going to stop here and just say that I hope everyone will persist in their practice to overcome the difficulties and to observe feeling, no matter what stage they are in the practice, because these feelings, feeling causes craving whenever it's not observed. So we have to overcome this. And if with persistent effort, we can do it. So please try. Tomorrow I'm going to talk. Tomorrow is probably my last talk. So if I give a talk tomorrow, I will talk about who is it that can realize Nibbana.